De tous les cultes bénis, je préfère les dogmes impies. De grâces concessions intimes, mon Dieu, je suis une victime. Le sacrifice de mon âme, je le remets aux belles dames qui offrent leur sa profusion comme le sang offre sa passion. Je suis athée, comme un curé. Je suis attelé à mes convictions jurées. J'ai promis de faire foi aux belles demoiselles pour un peu qu'elles m'emmènent au septième ciel. J'ai fait un vœu de chasteté dont jusqu'ici je l'ai bien gardé. Je vais vous le révéler, libertinage de pureté. Et si par malheur je me retrouve face à leur Dieu, je crierai au grand bonheur, mais taisez-vous donc un peu. Je suis athée, comme un curé. Je suis attelé à mes convictions jurées. Je préfère en rester au péché de la chair dans cette putain de grande France à la loi tiers. J'ai envie de casser les convictions bien ancrées. Du snobisme déplacé, il faut t'aimer pour coucher. Moi je me sens d'humeur à jouer le grand séducteur. Laissez courir la rumeur que je laisse au vestiaire mon honneur. Je suis athée, comme un curé. Je suis attelé à mes convictions jurées. La fornication est un luxe très mal vu. Dans cette société aveugle, moi je m'en tape le cul. Dans ma petite chambre d'hôtel, je suis devenu très croyant. J'ai installé un petit hôtel avec photos de femmes dedans. Et chaque soir, dans l'allégresse, je fais une longue prière en adorant les belles déesses qui sont dans les publicitaires. Je suis athée, comme un curé. Je suis attelé à mes convictions jurées. Je crois qu'avec tout ça, je vais faire une secte. Je gagnerai de la thune de façon abjecte. Quand je serai marié, je promets d'arrêter. Je serai très sage, comme le veut le bel usage. Je resterai fidèle, comme un bolchevique, mais criant de plus belle ma religion civique. Je suis athée, comme un curé. Je suis attelé à mes convictions jurées. J'aurai une belle femme, des beaux gosses et beaucoup de fric. Mais je regarderai quand même des films pornographiques. Thank you.